qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a 100 ans, jour pour jour, un grand paquebot sombrait dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent au Québec. C'est cette catastrophe maritime que Franck Ferrand nous propose de revivre en ce jeudi de l'Ascension. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Le paquebot en question s'appelait Empress of Ireland et son naufrage a fait plus de 1000 victimes, 1012 exactement. Ce n'est pas beaucoup moins que le Titanic qui avait fait 1329 victimes. Pour évoquer ce terrible drame humain, dont on célèbre donc aujourd'hui le centenaire, j'ai invité notre marin à nous, Dominique Lebrun. C'est une bonne idée. Et puis tout à l'heure, vous répondrez à la question que vous pose Charles sur la page Facebook de l'émission, je le cite. « En visite à Florence, j'ai entendu un Florentin prétendre que les rois de France avaient emprunté la fleur de lys à sa ville. Est-ce vrai ?» Eh bien, c'est une bonne question et ça va me permettre de revenir aux origines de ce symbole ancien qu'est la fleur de lys. Pour le moment, cap sur le Québec, dont le drapeau, faut-il le rappeler, est constellé de fleurs de lys, un grand paquebot s'apprête à partir. Hélas, il n'arrivera jamais. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Un anniversaire peut en cacher un autre et la proximité du centenaire de l'attentat de Sarajevo a tendance naturellement à éclipser celui d'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire, le naufrage du paquebot canadien Empress of Ireland, un certain 29 mai 1914, vous l'avez dit Céline, il y a 100 ans, jour pour jour. Le cadre de cette horreur, c'est l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, où l'on s'en va, vous savez, l'été, admirer les baleines. Hein. On les voit de loin, les baleines, dans le Saint-Laurent, mais c'est très beau. Et bien voilà que, à 3h10 du matin, ce vendredi 29 mai 1914, on apprend par dépêche que le paquebot Empress of Ireland aurait sombré à cause d'une collision avec un autre navire. Cet accident aurait eu lieu au nord-est du bourg québécois de Rimouski. À l'époque, il n'y avait que 3000 habitants à Rimouski. Hein. On est sur la rive droite de l'estuaire. Autre information, deux navires canadiens, le Lady Evelyn et l'Eureka, se seraient dirigés vers les lieux du naufrage. Un peu plus de 2 heures plus tard, il va être 5h30, un premier rapport parle de 800 victimes. Je ne vous le cache pas, nombreux sont ceux qui, sur le coup, demeurent sceptiques. L'Empress of Ireland n'est-il pas l'un des navires les plus fiables de la flotte de commerce canadienne ? Seulement voilà, comme souvent dans ce genre de circonstances, plus le temps passe et plus l'incrédulité fait place à la stupeur. Certains pourtant refusent obstinément de croire au pire et une rumeur va même se mettre à circuler vers 11h. Tous les passagers et membres d'équipage seraient sains et saufs, dit-on. Oui, eh bien ce beau rêve va se briser sur la déclaration officielle de Sir Thomas Saunacy qui est président de la Canadian Pacific, la compagnie qui possède l'Empress of Ireland. Il est déjà 2h30, 14h30 quand cet homme brisé, que dis-je, ravagé, prend la parole et voilà ce qu'il dit. Malheureusement, les premiers bilans se rapprochent de la triste vérité. D'après les faits tels que nous les connaissons, il est établi qu'à 2h ce matin, l'Empress of Ireland s'est arrêté dans un épais brouillard. Il a été heurté à bâbord par le charbonnier norvégien Storstad, de telle manière que le bateau a été déchiré du milieu jusqu'à l'hélice, mettant ainsi les compartiments étanches hors de service. Le navire a coulé en 14 minutes. C'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Le navire a coulé en 14 minutes. L'accident, nous dit le président de la Canadian Pacific, l'accident est arrivé au moment où les passagers dormaient et il ne s'est pas écoulé assez de temps entre le moment où la collision a eu lieu et celui où le bateau coula pour permettre aux officiers d'évacuer les passagers et de les faire embarquer dans les chaloupes de sauvetage. bagages, dont le nombre était pourtant plus que suffisant pour sauver tous les passagers et l'équipage. L'aspect le plus pénible de la catastrophe, dit-il, est, il va sans dire, le nombre de pertes de vie, et les plus sincères sympathies de tous ceux qui ont un lien avec la compagnie sont acquises aux parents et aux amis des victimes de ce terrible désastre. Silence après cette déclaration, consternation. Et puis cette question qui, dans un frémissement de colère contenu, se met à fuser de partout. Mais que s'est-il passé? Comment diable est-ce possible? La conception de l'Empress of Ireland, qui était considérée un peu comme le Titanic, comme un navire insubmersible, cette conception nous ramène 10 ans plus tôt, en 1904. Cette année-là, la Canadian Pacific Railway Company est en pleine expansion et son président, Sir Thomas, dont nous avons parlé, veut la développer avec le rachat d'une grande partie de la flotte de navires de la Elder Dempster. 60 bâtiments, dont 13 affectés au service transatlantique. La compagnie rêve de devenir une des meilleures compagnies dans les voyages à travers l'océan et le marché se développe. Faut pas oublier qu'on est en pleine période d'émigration vers le Nouveau Monde, bien entendu. Cette compagnie veut s'imposer grâce à deux paquebots jumeaux qui doivent être les plus grands, les plus confortables, les plus rapides de la route pour le Canada, mais aussi les plus fiables. Alors, on commande deux paquebots jumeaux au chantier naval de Glasgow en Écosse. Le premier de ces paquebots s'appelle Empress of Britain. Il est lancé le 11 novembre 1905 et le second, Empress of Ireland, est prêt le 27 janvier 1906. Il faut les voir, ces deux monstres, hein. 160 mètres de long, 7 ponts, dont le plus élevé est quand même à 14 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, un tonnage de 14 500 tonnes, deux hélices en bronze de 25 tonnes chacune, deux moteurs à quadruple expansion, enfin vraiment, ce sont vous savez, ces espèces d'immenses paquebots, de monstres littéralement, des navires qui en plus sont absolument somptueux, et qui sont somptueux non seulement en première classe, comme c'est presque toujours le cas à l'époque, mais aussi, on a vu ça l'autre jour quand on était à Saint-Nazaire, mais aussi en deuxième et même en troisième classe, où l'on a réservé des salons, des salles à manger, même des espaces de jeux pour les enfants en troisième classe, ce qui est très rare à l'époque. Vous aurez compris que nous sommes en présence de bons paquebots. Le voyage inaugural de l'Empress of Ireland a lieu en juin 1906 avec un record de vitesse. La Lloyd's, la compagnie d'assurance à Londres, donne sa meilleure cote au paquebot. Je me permets de vous rappeler quand même qu'à l'époque, ça ne fait que 2 ans que le Titanic a sombré. Et comme le monstre maudit de la Cunarde, les Empress ont été conçus pour rester à flot, même si 2, voire plus, des 11 compartiments étanches venaient à être inondés. Le navire, du reste, est équipé de 20 chaloupes de sauvetage auxquelles on a rajouté, après la catastrophe du Titanic, 20 autres chaloupes pliables. On essaie de tout faire pour la sécurité. On a même mis un système TSF Marconi très efficace, très révolutionnaire. Il y a même un radar pour repérer les icebergs. Donc un navire à la pointe de la modernité, du progrès, de la sécurité. L'Empress of Ireland a reçu en février 14 un certificat du Board of Trade de Liverpool qui l'autorise à transporter énormément de passagers, 1860 personnes. Les pinailleurs préciseraient qu'il existe tout de même une faille dans ce dispositif ultra sécuritaire. Et c'est le système de fermeture des compartiments étanches qui reste manuel, donc faillible. Pourquoi faut-il que les pinailleurs aient toujours raison? Il faut vous dire que l'après-midi de ce jeudi 28 mai 14, est ce qu'on peut appeler un bel après-midi, l'Empress of Ireland est amarrée à Québec. Le paquebot va entreprendre son premier périple de la belle saison, direction Liverpool, bien entendu. Faut imaginer le quai en ébullition, évidemment. On procède au chargement des cales. 2600 tonnes de charbon nécessaires à la traversée. Ce ne sont pas des véhicules économiques, évidemment. Et puis toutes sortes de marchandises. En tout, plus de 1000 tonnes de cargaison, dont 252 lingots d'argent. Le capitaine, il s'appelle Henry George Kendall, est un homme expérimenté, un 25 ans d'expérience sur tous les océans du monde. Il est au service de la Canadian Pacific depuis 11 ans et demi. Tout ça lui vaut une certaine popularité et notamment, c'est un détail mais il faut le signaler, en 1910, alors qu'il commandait le Mont Rose, c'est lui qui a démasqué le trop fameux docteur Crippen, vous savez, cet assassin qui, après avoir décapité sa charmante épouse, essayait de gagner le Canada aux côtés de sa maîtresse qui était déguisée pour sa part en jeune homme. Kendall les avait démasqués et Crippen, enfin appréhendé, avait hurlé Vous paierez pour cette traîtrise, monsieur. Alors, est-ce qu'il y aurait eu une malédiction? Le commandant Kendall navigue en cette fin de mois de mai 14 sur l'Empress of Ireland pour la première fois, mais il compte sur les bons conseils de son copilote Adélard Bernier. Il est 16h27, ce jeudi 28 mai, et Kendall donne l'ordre de larguer les amarres. Ça y est, hein, on voit la ville de Québec qui commence à s'éloigner très lentement. Le monstre d'acier entame sa douce croisière sur le fleuve Saint-Laurent. Et comme à chaque départ, il y a du monde sur le quai pour les adieux faussement joyeux. Je dis faussement parce qu'il y a toujours quelque chose de poignant dans ces adieux. Parmi les passagers, 171 membres de l'armée du salut qui se rendent à Londres pour une convention. 171 sur 1477. Il y a 420 membres d'équipage, 1057 passagers, dont seulement 87 de première classe. Vous voyez que c'est un navire qui n'est pas un navire de première classe, disons-le clairement. Le navire, nous dit un témoin de l'époque, était tout simplement somptueux. Il faut imaginer cette masse qui avance sur le Saint-Laurent. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que à l'époque, les navires qui partaient de Québec faisaient toute une partie, un tiers de la traversée sur le Saint-Laurent, ce qui était très rassurant d'une certaine manière. Alors, parmi les passagers, vous avez un député anglais, vous avez un grand journaliste londonien et sa femme, un millionnaire qui s'offre un tour du monde romantique. Il y a même Laurence Irving, le fils du célèbre acteur anglais Henry Irving, et son épouse, la comédienne Mabel Hackney. La soirée est courte, à la fin du dîner, nombreux sont ceux qui ne profitent pas des animations parce qu'en fait tout le monde est un peu fatigué, donc on va se coucher. À 22h, tout est calme, les stewards de nuit passent dans chaque cabine pour s'assurer qu'on a bien fermé les hublots, vous savez, c'est évident pour des raisons de sécurité. Sauf qu'il y a des gens qui protestent, qui disent non, écoutez, il fait chaud, laissons les hublots ouverts, respirons l'air du large. À 1h du matin, le paquebot ralentit à 2,5 km de la rive de Pointe-au-Père, qui est la station des pilotes du Saint-Laurent. Le pilote, le copilote Bernier, qui donc a le commandement à ce moment-là, descend sur le petit vapeur Eureka qui longe la coque de l'Empress. À 1h25, le paquebot se remet en route, cette fois cap au nord-est. À 1h30, Kendall ordonne que le paquebot soit poussé à toute vapeur. L'idée, c'est d'aller rejoindre au plus vite le chenal. À 1h38, le poste d'observation signale quelque chose à tribord. Kendall observe aux jumelles, il aperçoit les feux d'un navire, distance estimée 10 km. Le capitaine ordonne au quartier maître de tourner, direction plus à l'est, le paquebot s'installe sur une route qui est parallèle à celle de l'autre navire, qui arrive en face si vous voulez. À 1h40, Kendall monte sur le pont supérieur, il observe d'après ses calculs et grâce à son changement de cap, les deux navires vont effectuer un passage tribord sur tribord et chacun exposera à l'autre son feu vert, son flanc droit si vous voulez. Et à ce moment-là, le brouillard se lève, un épais brouillard, ce qui fait que le capitaine décide quand même d'immobiliser son bâtiment. Il fait donner trois coups brefs de sifflet, c'est le signal. En réponse, le bateau inconnu là-bas en face fait entendre un long coup de sifflet, ce qui veut dire qu'il maintient sa course. Les deux navires sont à ce moment-là, disons-le, dans un brouillard complet. L'Empress of Ireland ne bouge plus, ses machines sont stoppées, Kendall avertit de son état stationnaire, deux coups prolongés, l'autre bateau fait retentir un coup de sifflet, Kendall le situe à tribord, a priori à une distance d'1,5 km. Silence, brouillard, on ne voit plus rien, on n'entend plus rien et d'un seul coup, c'est le drame, il est 2h05, 1h55, Kendall voit surgir à droite de l'Empress of Ireland les lumières d'un navire à vapeur, le bateau fonce littéralement sur le paquebot, il n'est plus qu'à une encablure. Kendall saute sur le porte-voix, il hurle à l'autre bateau de faire marche arrière. Vous pensez bien, il est trop tard, la collision est inévitable. Kendall tente de sauver la situation, il demande aux hommes, aux machines, de redémarrer le paquebot, de faire marche avant toute pour essayer que l'impact soit le plus à l'arrière possible pour limiter les dégâts. Le navire à vapeur n'est à ce moment-là plus qu'à quelques mètres de l'Empress of Ireland. Kendall demande au premier officier de préparer des chaloupes et là, c'est l'impact, la secousse, vous imaginez, terrible. Le navire enfonce tout le côté tribord de l'Empress. Le navire qui vient de percuter l'Empress of Ireland est donc le Storstad. C'est un charbonnier qui était rempli au maximum, ça n'arrange rien. Il appartient à un armateur norvégien, il fait 135 mètres de long quand même. Et il avait pour vitesse maximale 10 nœuds, donc c'est pas, il va à 19 km/h, ça n'est pas rien. Le Storstad vient donc de frapper l'Empress of Ireland en son flanc. Un angle d'environ 45 degrés avec la proue. On n'est pas très loin du milieu du navire, si vous voulez, entre les deux cheminées exactement. Et il s'enfonce dans les ponts blindés à une profondeur d'environ 7,50 m. Pour limiter les dégâts. Kendall, le patron de notre Empress of Ireland, ordonne au Storstadt de ne surtout pas reculer, de continuer à avancer au même rythme pour essayer de boucher la brèche. Vous voyez, sauf que le charbonnier n'écoute rien. Et là, il fait machine arrière, il ressort de la plaie béante en quelques secondes. Le navire disparaît, dont l'autre navire disparaît dans le brouillard. Seulement l'eau, elle, pénètre déjà dans le paquebot et elle pénètre à plein flot, elle pénètre très rapidement. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur le naufrage de l'Empress of Ireland. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au naufrage de l'Empress of Ireland. Un passager de seconde classe dit « Le navire trembla sous l'impact, un peu comme un train filant à toute vitesse. Les dégâts sont absolument considérables. Une partie de la cloison étanche numéro 5 est détruite, on est entre les chaufferies et sous le choc, le paquebot commence très vite à s'incliner sur son flanc tribord, droit comme on dirait nous si vous voulez. Il prend de la gîte pour employer le terme de marine. À 1h56, le capitaine Kendall ordonne aux mécaniciens de fermer les portes étanches, sauf qu'elles sont actionnées à la main, les portes en question. C'est très difficile. Le télégraphiste de l'Empress of Ireland lance à ce moment-là un signal de détresse. Il va l'envoyer peut-être un peu lentement parce qu'il veut faire très attention qu'à l'autre bout de la ligne, le factionnaire qui doit être un jeune, hein, parce qu'on est en plein milieu de la nuit, il se dit que ça doit être un débutant, un stagiaire qui est là, et donc il veut être sûr qu'il comprend bien toutes les positions, etc. À 1h57, j'y vais minute par minute parce que vous allez voir, ça va très vite. Hein. Les membres d'équipage commencent à réveiller les passagers, c'est là qu'on se rend compte qu'un certain nombre de hublots n'étaient pas fermés. Les passagers qui étaient logés sur le pont inférieur du côté tribord vont périr noyés dans leurs couchettes. La plupart n'ont même pas le temps de se réveiller avant que l'eau n'envahisse hein, les cabines. L'eau envahit les deux chaufferies à un rythme effrayant. En moins d'une minute et demie, les deux chaufferies sont inondées. On est très très loin de l'exemple qu'on a à l'esprit de Titanic, notamment avec ce grand film hein, de Cameron, évidemment, où on a vu Titanic qui n'en finit pas de ne pas finir de couler. Là, c'est tout le contraire. Ça va à une vitesse folle. 1h58, donc une minute plus tard, Lawrence Irving, suivi de sa femme, sort de sa cabine en vêtements de nuit. Sur le pont, on est en train de décrocher les chaloupes à bâbord. Mais évidemment, puisque le paquebot fait beaucoup de gîtes à tribord, certaines vont tomber. Elles frappent les gens. Au passage, vous savez, quand on libère ces chaloupes, ça fait toujours beaucoup de blessés. L'eau continue de s'infiltrer. À 2h-1, l'eau envahit le corridor à l'arrière de la salle à manger de troisième classe. L'eau, et puis surtout l'inclinaison du bateau, empêche la fermeture de nombreuses portes étanches. Et sur le pont, le capitaine Kendall est là qui tente de détacher les cordages des chaloupes de tribord avec le personnel. À 2h même, sur le pont des embarcations, il y a de plus en plus de passagers qui s'extirpent comme ils peuvent. Kendall ordonne aux mécaniciens de faire marche arrière à toute vitesse, l'objectif étant que le paquebot aille si possible s'échouer, pourquoi pas sur les côtes, on n'est pas si loin. On n'y arrivera pas, le mécanicien en chef explique que là, il n'y a plus de vapeur, il n'y a plus rien. 2h01, toutes les lumières de l'Empress of Ireland se mettent à s'éteindre. Vous savez, ça vacille et puis ça s'éteint. Et là, le paquebot est plongé dans le noir. C'est horrible. À 2h02, l'eau qui continue de s'engouffrer dans les coursives du navire l'attire vers le bas. Devant les escaliers, on peut pas monter parce que les marches sont complètement à l'envers, si vous voulez. Des hommes, des femmes, des enfants, tout ce monde-là est là qui périt sous des torrents d'eau glacée, bien entendu. À 2h03, les premières embarcations de sauvetage sont quand même à la mer. À 2h04, on est donc 2h04, 10 minutes après le choc, le navire chavire, alors là cette fois complètement sur tribord. On dit ça comme ça, mais il faut imaginer une montagne d'acier, un véritable immeuble qui s'affaisse sur lui-même. Ces deux cheminées jaunes et noires vont percuter l'eau en même temps. Plusieurs personnes sont jetées à l'eau à 2h05, 2h06 sur le flanc gauche du navire. Il y a encore des passagers qui, 10 minutes auparavant, dormaient paisiblement et qui là essaient de s'en sortir comme ils peuvent. À 2h07, on a seulement 6 ou 7 embarcations à l'eau. À 2h08, Lawrence Irving presse son épouse contre lui et ce couple, qui était un petit peu le couple glamour, le couple célèbre de cette traversée, va mourir dans une dernière étreinte. C'est, si j'ose ainsi m'exprimer, sans manquer de respect à quiconque, c'est un peu Titanic en accéléré, si vous voulez. À 2h09, dernier grand bruit comme une explosion. Pendant que je nageais dans cette eau glacée, nous dit un rescapé de deuxième classe, je vis se produire une explosion lorsque l'eau atteignit les fournaises du vaisseau. Je nageais alors sur le dos et vis clairement la vapeur sortir par toutes les parties du navire. Plusieurs personnes sont à ce moment-là projetées à la mer par explosion, d'autres sont avalées par les eaux. Faut imaginer les derniers hurlements, mais ça y est, c'est la fin, à 2h10, tout est fini. Sur le Storstadt, on s'organise pour secourir comme on peut les passagers, mais je crois qu'il faut s'en tenir à ça. C'est fini, c'est ça la vérité. Alors il y aura des rescapés, on va y venir, bien sûr, il y aura des survivants qui seront pris en charge à Rimouski, naturellement. On en a entassé 400 sur le fameux charbonnier, qui lui s'en sort finalement, c'est tout le paradoxe de cette affaire. Il faudra plusieurs jours pour avoir des chiffres exacts du désastre, mais les voilà les chiffres en question. Sur 1477 personnes à bord, 1012 auront péri, soit 840 passagers et, j'ai envie de dire, seulement 172 membres d'équipage. Et pour cause, parce qu'en fait, seuls ceux qui connaissaient bien le navire ont pu à peu près s'en sortir. Tous ceux qui le découvraient, on venait de partir, n'ont pas pu s'en sortir. Et sur les 138 enfants qui étaient à bord, il y en a quand même 134 qui sont morts. Il n'y a que 4 rescapés. 248 membres d'équipage, donc, s'en sont sortis. Ce qui aura frappé tous les spécialistes, mais aussi l'opinion publique de l'époque, c'est l'extrême rapidité de ce désastre. En fait, c'est un naufrage qui, en tout et pour tout, aura duré 14 minutes. Vous imaginez la rapidité de tout ça. L'expérience est brutale, le traumatisme ineffaçable. C'est assez épouvantable. Avec l'abandon de leur navire, nous dit Dominique Lebrun, les survivants entrent dans une existence nouvelle dont la finalité se limite au retour à la civilisation au monde d'avant. Un but qui sera atteint dans quelques heures, quelques jours, quelques mois ou aussi bien jamais. Tout peut arriver d'ici là. Seul importe de demeurer en vie et pour cela, de mettre en œuvre tous les moyens possibles. La catastrophe de l'Empress of Ireland aura frappé le début de cette année 1914, mais vous êtes bien conscient que très vite, quelques semaines plus tard, l'opinion du monde va être happée quant à elle par de tout autres préoccupations. Bonjour Dominique Lebrun. Bonjour. Nous allons revenir sur ce naufrage ensemble, bien entendu, et puis nous évoquerons d'autres naufrages à partir de votre ouvrage, ces témoignages vécus de naufragés, non seulement des naufragés du XXe siècle, mais aussi du XIXe, du XVIIIe et même du XVIIe siècle. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, dans Au cœur de l'histoire, d'histoire de naufragés, avec votre invité Dominique Lebrun, écrivain spécialiste de l'univers maritime, qui a fait un recueil de témoignages, les naufragés, témoignages vécus XVIIe, XXe siècle, aux éditions Omnibus. Et oui. Alors il faut, Dominique Lebrun, que nous revenions sur l'ensemble de cette catastrophe de l'Empress of Ireland qui a eu lieu, je le dis pour les auditeurs qui nous rejoindraient en cours de route, si je puis dire, en chemin, qui a eu lieu il y a 100 ans, jour pour jour, le 29 mai 1914, dans cet estuaire du Saint-Laurent. C'est assez étrange cette histoire, parce qu'on se dit que, bien sûr que le brouillard a joué un rôle, c'est une collision entre deux navires dont le plus petit n'est pas si petit que ça, hein, j'ai bien précisé, c'est un gros charbonnier qui était chargé à bloc. Mais si le capitaine du grand paquebot n'avait pas modifié sa course, il est possible que tout se soit passé normalement en quelque sorte. Et si le capitaine du charbonnier n'avait pas non plus changé sa route, estimant que le paquebot se trouvait de l'autre côté par rapport à ses corrections, il ne se serait rien passé. Et si le charbonnier n'avait pas été armé spécialement pour des conditions polaires, c'est-à-dire avec une charpente métallique longitudinale, en quelque sorte, c'est un véritable ouvre-boîte. Un brise-glace quasiment. C'est un brise-glace. Ouais, voilà. C'est un ouvre-boîte géant qui est entré dans la boîte de conserve géante qu'est un paquebot de l'époque et qu'il a déchiqueté, mais sans la moindre rémission possible. Et alors, le paquebot, lui, était stationnaire. S'il avait été sur son air, s'il avait avancé, je ne sais pas comment dire, s'il avait été en marche, est-ce que la catastrophe aurait été aussi grave, en quelque sorte? Parce que là, il était quasiment immobile au moment où il est percuté par le charbonnier. Plusieurs options possibles. Mmh. Il aurait pu être en marche avant, auquel cas le choc aurait été à peu près équivalent ou plus fort, ça dépend de l'angle de collision. Il aurait pu être en marche arrière. Après tout, oui. Même raison. Oui, il aurait pu être Ayant vu le charbonnier arriver, il y avait une autre possibilité qui consistait à essayer de faire marche arrière. Mmh. En général, il vaut mieux accélérer en avant. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le charbonnier, lui, était arrêté d'abord. La brume arrive, elle se lève brutalement, ça arrive souvent sur les fleuves. Le charbonnier ne sait plus ce qu'il doit faire, donc il s'arrête très prudemment. À ce moment-là, il comprend que le courant l'emporte plus vite qu'il n'aurait voulu, donc re-embraye avant de façon à pouvoir gouverner. Et là, d'après la dernière fois qu'il a pour vu ne le pas être un navire à la dérive, en quelque voilà, sorte. Voilà. Par rapport à la dernière fois où il a repéré le paquebot avant le bouchon de brume, il envisage que le paquebot est ici. Pas de chance, il n'est pas ici, il est là. Et donc, il l'aborde. Mais effectivement, si personne n'avait rien fait, il ne se serait rien passé, on n'en aurait jamais parlé. Alors, ce charbonnier entre dans le paquebot, il fait une brèche considérable dans la coque, mais pour l'instant, il est encastré dedans. S'il restait encastré, ça limiterait relativement les dégâts, c'est-à-dire que l'eau ne pourrait pas entrer aussi rapidement. Oui, alors justement, et c'est là où encore le destin, le charbonnier, au dernier moment, a débrayé. Alors sur ces navires-là, re-embrayer, débrayer, c'est pas comme une voiture, hein. C'est pas une pédale, un levier de vitesse, c'est une manœuvre qui est très complexe. Et comme le courant joue beaucoup et que les deux bateaux sont immobilisés, ce qui va se passer, c'est que c'est à la fois le courant et le déplacement du paquebot, on n'en sait rien dans le fond, hein, qui va faire que le bateau va se déboîter. Très vraisemblablement, le commandant du charbonnier lui aussi voudrait rester dans la brèche, parce que c'est une situation qui est assez classique finalement, mais il ne pourra pas le faire. Alors, ça va être alors avec ses conséquences terribles, ce qui est assez rare et un peu effrayant, il faut bien le dire, et qui n'a pas été à l'honneur de la compagnie canadienne Pacifique à l'époque, c'est que les passagers ont péri en proportion considérable, alors que l'équipage, lui, s'en est globalement pas trop mal sorti. Comment expliquer ça ? Ça, c'est l'éternel problème. D'abord, l'équipage était au travail, donc il n'était pas en train de dormir. Alors voilà, ça joue ça. Beaucoup. Ah, bien sûr. Ensuite, l'équipage est composé par définition de gens de mer qui ont en permanence l'esprit à « on peut toujours faire naufrage ». Une chose qu'on connaît peu, par exemple, les équipages de ces bateaux-là jamais ne fermaient la porte de leur cabine. Elle était toujours entrouverte pour le cas où il y aurait un choc, un abordage qui bloquerait la porte en position fermée. Donc ces gens sont en permanence prêts à tout, ce qui fait que effectivement, dans une situation aussi difficile que celle-là, ils sont mieux armés que le passager, le père de famille, la mère de famille, les gamins, tout ça, pour réussir à faire face à une situation où il s'agit de sauver sa peau. À l'époque, depuis 2 ans, l'opinion mondiale est très mobilisée, a été très avertie des dangers des icebergs, et pour cause, hein, cette affaire du Titanic a causé des ravages, ça a été vraiment le grand choc du début du XXe siècle. Et finalement, là, ça n'est pas un iceberg qu'on percute, c'est tout simplement une collision entre deux navires. Qui est d'ailleurs l'accident de mer le plus fréquent. Hein, et puis sûr. Vous savez, aujourd'hui, le nombre de ferries qui traversent la Manche, le jour où on aurait une collision, on aura en moins de 10 minutes. Ne parlez pas de malheur, oui. Non, mais ça arrivera un jour, hein, oui. Forcément. Alors, cet accident a été très rapide. Comment expliquer que le navire est coulé à cette vitesse incroyable, 14 minutes. Rappelons que pour le Titanic, c'est plus d'une heure. Hein, c'est... Oui, mais alors le Titanic, c'est donc une grande fissure longitudinale dont l'eau entrait pas vraiment à flot, mais sur une très grande longueur. Je crois que j'ai vu sur Internet une image de reconstitution où on voit les proportions entre le navire abordeur et le navire abordé. Le trou, en fait, c'est pas un trou, c'est plus qu'une brèche. Le bateau est quasiment coupé en deux. Donc, qu'il se remplisse à cette vitesse-là, ça paraît énorme, mais en fait, non. C'est les chutes du Niagara qui sont entrées dans ce bateau. Comme dans toutes les catastrophes, et quel que soit le type de catastrophe qu'on décrive, j'en ai tellement raconté à ce micro depuis tant d'années maintenant, à chaque fois c'est une conjonction de circonstances. Là, il y a eu quand même une cascade de malchance. Et il fallait que le brouillard soit là à ce moment-là, que les deux navires soient aussi proches, que leur capitaine ait eu 2 fois de mauvaise réaction. Enfin, mauvaise, on ne peut rien leur reprocher, très bonne. On n'a que de bonnes réactions. Oui. C'est ça qui est terrible. Inappropriée, parce qu'un bouchon de brume subi s'est mis entre les deux et que, d'une part, je pense que la brume a touché plus vite le charbonnier. C'est pour ça qu'il n'a pas pu estimer si simplement que ça la position du paquebot. Le paquebot, lui, ne sait pas non plus ce que l'autre a vu. Donc, aujourd'hui, avec le radar, ça n'arriverait pas. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on en a beaucoup moins parlé. Alors, évidemment, il y avait beaucoup moins de personnalités, c'est affreux ce que je vais dire, mais il y avait beaucoup moins de personnalités célèbres à bord de l'Empress of Ireland. En gros, il y avait le fils d'une célébrité, pour parler clair, alors que sur le Titanic, il y avait 50 célébrités, des gens très riches, etc. Donc, ça change tout, bien sûr. Mais on en a relativement, je dis bien relativement peu parlé à l'époque de cette affaire de l'Empress of Ireland. Il y a une autre raison pour laquelle on a beaucoup parlé du Titanic, c'était le géant des mers. Et oui. C'était le plus gros bateau qu'on ait jamais conçu. Et on le croyait insubmersible. C'est ce qui se disait. Mais c'est pas un hasard si on avait changé le commandant peu avant le départ pour mettre aux commandes un garçon réputé pour la chance insensée dont il avait fait preuve dans toute sa carrière. Ce qu'il y a de fascinant dans ces naufrages, et ça on le voit depuis que la marine existe, hein, c'est ce que vous montrez dans ce très beau catalogue, recueil de témoignages vécus, ce qu'il y a d'inouï dans le naufrage et qui nous fascine tous, c'est que c'est une image, c'est une allégorie de l'apocalypse en quelque sorte. C'est la fin d'un univers à chaque fois en fait. Hein. Le terme apocalypse est remarquablement propre, choisi. Hein, oui, et puis, il y a la brutalité, peut-être la chose la plus forte. Le navire, même si c'est un petit bateau, ça reste un cocon. On est à l'abri de tout. Ça résiste merveilleusement à la nature sauvage. Et il suffit qu'il y ait une fissure dans cette coque, il n'y a plus rien. Oui. Plus rien du tout. Et là, l'individu se trouve seul dans son essence, si j'ose dire. Et là où la chose prend des dimensions extraordinaires, c'est quand le naufrage ne se passe pas au large, mais parce qu'on est jeté sur une île déserte. Ce sont une partie des histoires que je raconte. Où là, l'homme se retrouve, comme Adam et Ève au premier jour de la création, avoir tout à faire. Et ensuite, on retombe sur le mythe de Robinson Crusoe et qui est tout simplement exaltant. Quelquefois, on a presque envie de connaître une expérience comme celle-là. C'est vrai, c'est paradoxal. Paradoxal. En fait, il se trouve que le hasard fait que je viens deux fois coup sur coup ces derniers jours de naviguer sur de gros navires, d'abord sur un paquebot de croisière et puis ensuite sur un navire de guerre, un porte-hélicoptère de la Marine nationale. Et dans les deux cas, on a l'impression de tout un petit univers qui est sous la houlette de son commandant, hein, qui est seul maître après Dieu, n'est-ce pas ? Et on a l'impression que quelque part, on est hors du monde et qu'en même temps, on est un peu fragile quand même. Tout peut toujours arriver, même sur un très très gros navire, bien sûr. Surtout peut-être sur un très très gros Surtout navire. Surtout sur un très très gros navire, parce que c'est une chaîne de petits événements qui va se déclencher. Or, ces événements seront imperceptibles au départ et lorsqu'ils seront perçus, ce sera trop tard en général. Et oui. Alors, nous allons venir avec vous à un certain nombre d'exemples de ces grands naufrages qui ont marqué l'histoire de la marine et tout simplement l'histoire des hommes. Alors, nous allons effectivement faire un voyage de quelques siècles en arrière pour parler d'un des naufrages les plus célèbres et les plus terribles qui soient, c'est le naufrage du Batavia. C'était en 1629. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il est si terrible que ça, Dominique Lebrun ? Il est terrible parce que dans l'absolu, au-delà du naufrage, c'est l'histoire d'un psychopathe qui, à lui tout seul, va réussir à massacrer 100 personnes en créant un ordre nouveau sur l'île où se retrouvent réfugiés d'autres centaines de passagers. Il s'appelait Hieronymus Cornelitsch. Hieronymus, oui. Un épouvantable apothicaire d'Amsterdam qui avait eu les pires malheurs dans sa vie, perdu sa femme, ses enfants, il avait fait aussi faillite, donc partait vers le Nouveau Monde et qui pour la Hollande était Batavia à l'époque, l'actuelle Jakarta en Indonésie. Et que se passe-t-il à bord du Batavia pendant cette traversée? On ne le sait toujours pas exactement. On a trois personnages majeurs, on a donc le capitaine du bateau, on a le subrécargue Cornelis qui est là pour veiller sur les intérêts de la compagnie. Et on a le chef de l'expédition, Pelsart, qui manifestement a relevé chez le capitaine quelques inconséquences. Cornelis, de son côté, semble avoir persuadé le capitaine d'une mutinerie qui consisterait à reprendre le bateau. Vous dites semble, parce qu'il faut faire une enquête après coup, évidemment. Hein, oui, c'est ça, et on n'a pas les éléments. Bien c'est sûr. Ça qui est terrible, parce que les coupables ont été jugés et condamnés, exécutés sur place par Pelsart lui-même. Donc, il n'en reste rien. On n'a que des suppositions. On est, il faut dire où on se trouve, hein, dans l'océan Indien, en explication fait. Explication hein. Aussi, ouais. Parce que l'affaire n'est pas si simple à comprendre quand on ne connaît pas l'étendue des lieux et la circulation des vents sur la planète. Pour se rendre à Jakarta, donc Batavia, les navigateurs avaient trouvé une astuce remarquable qui consistait, une fois qu'on avait atteint l'Afrique du Sud, le Cap, à faire route à l'est, poussé par le vent d'ouest dans les hautes latitudes, vent très puissant. Ce qui vous amenait quasi automatiquement en vue de l'Australie, devant un archipel qui en est dégagé, qui s'appelle les Abrolhos, que l'on repérait de loin parce que la mer brisait dessus. L'Australie n'est pas découverte par les Occidentaux. Absolument, à l'époque. Hein, faut préciser. À l'époque, l'Australie n'existe pas. Oui. Je devrais dire l'actuelle Australie. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on avait repéré cet archipel, c'était très simple, on mettait cap au nord, on traversait cette partie de l'océan Indien jusqu'aux îles de la Sonde, dès qu'on avait la Terre devant soi, première à gauche, on suivait. Dès qu'on trouvait une petite rue à droite, on tournait. C'était donc le détroit de la Sonde. Et tout au bout, encore à droite, on avait Jakarta. Donc la navigation était très simple. Pourquoi ce bateau, donc le Batavia, réussit-il à se mettre au plein, pour employer l'expression maritime, sur les Abrolhos? Ce n'est pas un naufrage. C'est ce qu'on appelle une baratrie. C'est un naufrage volontaire. Volontaire. C'est donc une arnaque qui est montée en quelque sorte. C'est une arnaque. Alors l'idée, c'est quoi? Sans doute, le capitaine du bateau pense-t-il qu'il va avoir des comptes à rendre à Pelsart une fois arrivé à Batavia et que rendre des comptes là-bas, ça veut dire l'accord autour du cou. C'est vite réglé. Donc, son idée, on va faire naufrage, on en profitera pour se débarrasser de Pelsart et ensuite, avec, on aura un peu de chance, on remettra le bateau à l'eau, on fera autre chose, mais l'idée, c'est d'échouer le bateau. Et effectivement, le temps de traversée, à l'époque, il était si bien connu, les conditions de navigation sont constantes par un vent qui est toujours très fort. Quand l'équipage voit des vagues déferlantes, il sait pertinemment que ce sont les Abrolhos et non pas un reflet de la Lune sur les vagues comme ils le prendront par la suite. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, tout s'enchaîne. Pourquoi est-ce que dans cet univers aussi policé, c'est l'indiscipline qui prend le dessus, surtout dans le cadre de la commande des Indes néerlandaises, qui est extrêmement stricte et dure, ça c'est un mystère extraordinaire. Mais comment ensuite Cornelis peut réussir à créer un clan chez les naufragés qui va devenir le clan des petits qui vont tuer tous les autres, ça reste un mystère extraordinaire. L'égoïsme par rapport à l'eau disponible et à la nourriture, à mon sens, n'explique pas tout. Non, là il faut aller plus loin en fait dans les explications. Le naufrage, on pourrait presque parler d'un crime à ce niveau-là, c'est pour un le crime. Batavia. C'est un crime, c'est clair. C'est ça qu'il y a de fascinant. Alors, on avait eu l'occasion déjà il y a longtemps de parler ici je feuillette hein, votre recueil. Ça s'appelle Les naufragés, témoignage vécu. C'est donc présenté par vous, Dominique Lebrun, aux éditions Omnibus. Je feuillette et je tombe sur cette affaire des Robinson de l'île d'Auckland. Il y a toujours quelque chose de... Alors là, on est sous le Second Empire, hein, 1863. Absolument. C'est toujours assez fascinant, ces histoires de Robinson, parce qu'on a l'impression, de même que le naufrage est une fin du monde, les Robinson, c'est un peu l'allégorie du paradis terrestre. Oui, c'est ça, en fait. Hein. Enfin, en tout cas, c'est la création la genèse, d'un nouveau c'est monde. La genèse, c'est la genèse. Oui, c'est la genèse. Et là, l'affaire donc des naufragés des Auckland, d'abord, beaucoup de gens croient que c'est un roman à la Jules Verne. Oui, vraiment, et c'est vrai que le personnage principal, Reynal, qui raconte l'affaire, on croirait un des professeurs qui... Il y a beaucoup de similitudes. Parce qu'il s'en est sorti, il a raconté tout ça, évidemment. Ils s'en sont tous sortis, en plus. Ils s'en sont tous sortis. Donc, ces gens-là se retrouvent sur les îles Auckland, qui sont à 250 000 au sud de la Nouvelle-Zélande. Ils sont partis à la recherche d'une mine d'argent aurifère, qui n'existe pas, mais un bateau doit revenir les chercher. Leur bateau, à eux, fait naufrage. Et à 5 personnes, ils vont refaire le monde. Et quand je dis refaire le monde, 5 personnes, 5 nationalités différentes, 5 cultures différentes, et ils vont s'entendre à merveille. Ça, c'est magique. Mais ils n'avaient peut-être pas le choix. Il fallait survivre, en quelque sorte. Il fallait tout recréer, là. Lorsqu'on n'a pas le choix par rapport à une survie, il y a deux possibilités. Soit on trouve toutes les solutions et on s'en sort, soit on n'en trouve aucune et on meurt tous très vite. Et là, au-delà de la survie, ils vont en fait vivre. Un des plus beaux exemples, c'est qu'au lieu de se faire une cabane pour s'abriter, ils disent « non, on va faire une maison ». Et pour commencer la maison, ils fabriquent la cheminée, le foyer à partir de laquelle ils construisent la maison. Moyennant quoi, dès l'origine, ils créent le confort. Ils ramènent du bateau tous les éléments qui rappellent la civilisation de façon à ne pas plonger dans la sauvagerie. Leur acquisition principale sur l'épave, ce sera un bout de miroir. Parce qu'ils pourront se voir dans la glace et garder le respect d'eux-mêmes. c'est pas un hasard s'ils vont faire des travaux extraordinaires pour refabriquer, tenez-vous bien, du savon. Ils vont fabriquer du savon et prendre des bains chauds. Et ça, c'est la meilleure démonstration qu'ils ont dominé la nature. Ouais. C'est extraordinaire. Ça, quand vous parlez de Jules Verne, on y est là pour le coup. On y est. Alors il y avait donc Reynal, il y avait le capitaine américain du bateau, qui est une espèce de quaker un peu, hein, alors, on peut dire. Peut-être pas tout à fait, mais en tout cas très rigide. Oui. Religieux, voilà. Solide. Alors il a en plus une famille, ça sera très important. C'est ce qui les obligera à faire un bateau pour aller chercher du secours. Donc lui, c'est eux qui vont élire père de famille. Et puis à côté de ça, on a les trois personnages hallucinants. L'anglais, débrouillard, pas trop vulgaire, mais... Assez sympathique, on va sympathique. Dire. Hein, oui. Le norvégien, illettré, la bête, la le bête géant. Absolue. Oui. Mais le bon cœur et un sens marin inimaginable. C'est l'équivalent du guide islandais dans Le Voyage au centre de la Terre. C'est ça. Et puis derrière, le faire-valoir, qui est le cuisinier portugais, défiguré par la lèpre. Ça, c'est comme si on avait prévu l'adaptation c'est au cinéma tout de suite. C'est vraiment plus beau que dans un roman, oui. Et qui, lui... est capable, comment dire, d'une espèce de sens de la société et d'arrondir tous les angles. Et le plus beau peut-être, ce sera le jour où, pour survivre bien, ils vont créer une école du soir. Ah oui. Mais le coup de génie, c'est que ça va pas être les officiers qui savent, qui vont apprendre aux hommes qui ne savent pas. Ils vont apprendre à lire et à écrire aux Norvégiens et aux Portugais, mais ils vont s'obliger à apprendre le norvégien et le portugais de la part de leurs élèves, entre guillemets, de façon à rétablir une égalité culturelle. Quelle sagesse. Ça, c'est magique, c'est la Quelle sagesse. Quelle sagesse, c'est magnifique. C'est d'ailleurs tout à fait à l'image de ce que vous montrez dans ce recueil, c'est-à-dire que ce ne sont pas des histoires terrifiantes de morts sans issue, comme ce que j'ai raconté moi tout à l'heure avec l'affaire de ce navire canadien, de cette Empress of Ireland, dont on célèbre aujourd'hui le 100e anniversaire du naufrage. En fait, vous montrez plutôt l'exemple de gens qui s'en sortent. Hein, c'est ça l'idée. Hein. C'est ce à dans quoi, l'ensemble, en tout cas. Hein. Dans l'ensemble et dans les cas où ils ne s'en sortent pas, je pense à la Jeannette notamment, ah, oui. Ce sont ceux qui auraient dû s'en sortir si le destin ne s'était pas acharné contre eux. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'essentiel de ces récits, c'est qu'il n'y a jamais d'erreur de navigation, jamais d'erreur technique. C'est, ça, voilà. C'est ce qu'on appelle la fortune de mer. Et ces gens qui en sont victimes vont, en définitive, se montrer plus forts. Fortune de mer, voilà un fortune beau titre. Fortune de mer, c'est du latin fortuna, n'est-ce donc qui veut dire la chance qu'on n'a pas. On se croirait chez Claude Farrer. Alors il reste cette histoire, vous terminez par ça. On avait dit qu'on en ferait une émission, mais disons déjà quelques mots de cet exploit de Shackleton. Alors là, on est dans l'exploration polaire, dans le, là, c'est autre chose. C'est le plus bel exploit maritime de tous les temps, à mon sens. Qui est donc qui commence par un drame d'ailleurs. Ça commence par l'affaire de Scott, l'explorateur polaire qui ne va pas revenir du pôle sud, et l'Angleterre mortifiée décide qu'il faut faire mieux que conquérir le pôle sud. Il faut traverser l'Antarctique. Donc on charge Shackleton, qui est le spécialiste polaire, de partir là-bas avec une expédition et de traverser l'Antarctique. Un autre bateau lui fera le tour pour amener une équipe de pour les soutenir en arrivant. Mais la banquise va être la plus forte et l'Endurance, le bateau de Shackleton, est pris dans la glace. Tant que le bateau résiste... Et c'est ça, c'est que pris dans la glace, ça veut dire que la glace fait pression sur, voilà. Sur la coque. Hein, alors, à l'époque de solution, soit on avait un bateau prévu pour, comme le Fram de Nansen, qui se remonte tout seul sur la glace, mais qui navigue très très mal, donc c'est un bateau d'expédition pas facile à utiliser, soit on espère que ça va passer, même si le bateau est renforcé. Ce sera pas le cas. Mais ce qui est déjà prévu, c'est qu'il existe des traîneaux sur lesquels on chargera les embarcations du bord. On va donc pousser ces embarcations jusqu'à la mer libre, là les mettre à l'eau, embarquer sur ces petits bateaux et rejoindre l'île qui se trouve la plus au large de la péninsule antarctique pour se trouver en situation soit de recevoir des secours, qui sait, soit d'aller en chercher. Et c'est là que commence la navigation la plus folle qu'on ait jamais vue. D'abord, il y a le choix à la destination. L'île des éléphants est au bout de la péninsule antarctique, au large. La terre la plus proche, c'est l'archipel des Falklands. Ensuite, il y a beaucoup plus loin la Géorgie du Sud, mais par vent portant, ils vont choisir d'aller beaucoup plus loin et ils vont y arriver. Mais là, avant de trouver des secours, il faudra encore qu'ils escaladent une montagne et redescendent de l'autre côté. La de façon grande, Guillaume dans les grande aventure. Et c'est le pire, magique. C'est que ceux qui s'en sortent vont tomber après coup dans la Première Guerre mondiale qui les attend et qui sera peut-être moins clémente que les terribles éléments du pôle. Ils rentreront tous au front, ah oui. Et beaucoup y resteront. Ah oui. Les naufragés, témoignage vécu du XVIIe au XXe siècle. C'est présenté par Dominique Lebrun et tous ces témoignages sont publiés aux éditions Omnibus. Merci beaucoup Dominique Lebrun. Je voudrais citer ce message de Jean-Yves qui fait le lien entre l'émission d'aujourd'hui et celle d'hier. Il nous dit qu'il ne faut pas oublier cette très grande catastrophe maritime qui a eu lieu dans l'estuaire de la Loire en 1940. Près de 6000 morts, nous dit-il. Le bateau s'appelait le Lancastria et il était surchargé de militaires et de civils qui tentaient d'échapper à l'avancée allemande. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas tellement parlé de cette affaire? Parce qu'il ne fallait pas, bien sûr, démoraliser les Français et les Britanniques en cette période d'invasion. Merci beaucoup à Jean-Yves de l'avoir souligné. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à Charles qui souhaite savoir s'il est vrai que les rois de France ont emprunté la fleur de lys à la ville de Florence. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Charles. Il nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission. Charles, qui en visite à Florence, a entendu un Florentin prétendre que les rois de France avaient emprunté la fleur de lys à sa ville. Il voudrait savoir si cela est vrai. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça nous ramène au symbole de la France royale, bien entendu, cette fleur de lys qui, ne nous y trompons pas, est très répandue un peu partout. C'est même, avec la croix, l'aigle et le lion, un des symboles héraldiques les plus répandus. On le trouve en Angleterre, en Pologne, en Italie, même au Canada, je le disait tout à l'heure, évidemment. Alors, cette fleur de lys, on ne sait pas exactement d'où elle vient. Est-ce que c'est la stylisation de l'ancien javelot des Gaulois, qu'on appelait langon, que les Francs avaient fait en quelque sorte leur emblème? Est-ce qu'il s'agit d'une déformation des crapauds dont on dit que Clovis les avait mis lui-même sur ses armes? Est-ce que c'est tout simplement cette fleur de lys, le symbole des Francs qui avaient voulu utiliser l'iris des marais? Ce serait donc plutôt qu'une fleur de lys, une fleur d'iris. Toujours est-il que cette fleur, elle existe sur un certain nombre de tombes, notamment dès l'époque mérovingienne, et qu'elle est officiellement et définitivement adoptée par les rois capétiens à l'époque de Louis VII. Or, il faut vous dire qu'à Florence, d'abord la fleur de lys n'est pas tout à fait la fleur de lys classique, hein, puisque en l'occurrence le lys en question qu'on appelle le lys florencé a des boutons entre ses fleurons. C'est exactement le même que celui qu'on peut trouver sur les armes de la ville de Lille, par exemple. Or, à Florence, on ne trouve pas ce lys avant le XIIe siècle. Donc, je suis désolé, mais ce n'est sûrement pas les rois de France qui ont copié sur Florence, mais plutôt l'inverse, évidemment.